soirée de la bourre. Tout le monde s'aime et c'est sympa. Tout le monde s'aime et se prend dans les bras. Super soirée, Jérémy.